ennemi que je devrais haïr, que je devrais faire punir. Je dois vous l'avouer, car feindre est inutile. Pour vous, mon faible cœur brûle d'un feu nouveau. À 9 h ce soir, soyez à Belleville, au bal de Calypso. En m'y trouvant moi-même, oubliez nos abus et ne trahissez plus la femme qui vous aime. Et c'est signé. C'est signé l'ange. Trahison, trahison. Se fait-il, ange, ce billet que voilà n'est pas de vous. Celui-là. Je ne suis rien qu'un rêveur trop sensible, sans avenir et sans ambition. Mais je vous aime à l'adoration. Vivre sans vous me serait impossible. Il est loin de votre château, du tumulte et du bruit de la ville. Un petit bal à Belleville, vous y pourriez incognito venir en dame de la halle et là vous faire mon égal, caché à l'ombre d'un berceau. Vous bonne parmi les meilleures, vous déciderez de mon. C'est à me rendre fou, et c'est signé. Voyez, ange piteux. Ah, c'est affreux, ah, c'est infâme. On nous a dit, monseigneur. Ah, c'est affreux, ah, c'est infâme. Pour nous perdre tous les deux. On nous a dit, monseigneur. Pour nous perdre tous les deux. Ah, c'est affreux, c'est ennuyeux. Fuyons, s'il en est temps encore. Fuir, et pourquoi non restez avec moi? Je vous aime, je vous adore. Je vous aime, je vous adore. Maintenant, j'ai dit mon secret. Malheur, malheur à qui le trahirait. À le premier qui nous arrête, malheur à lui. Trop. mes compliments, ma chère. Ah, juste ciel, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'arrivée d'hier. L'arrivée d'hier? L'arrivée d'hier? M'exaspère, tremblez puisque je sais tout. Patience, ma vengeance va vous atteindre partout. Ta vengeance, ton silence vaudrait mieux, à mon avis. Car toi d'homme, je t'assomme au premier mot que tu dis. Ta vengeance, ton silence vaudrait mieux, à mon avis. Car toi d'homme, je t'assomme. Du complot dans cette nuit, je connais ça. Nouvelle dame de la halle, j'improvise une fête et c'est moi qui régale. Oui, et c'est moi qui paie. Attendez, mes amis. Que vois-je? Vous pleurez, mademoiselle. Si fait, je le vois bien. Se repentait l'infidèle, si près de vous, il n'osait faire pas. Vous ne me connaissez pas, non, vous ne me connaissez pas. Oui, je pleurais de rage et de regret, à d'avoir pour un volage refusé Pomponnet. Seigneur, je l'ai lui tendre, il la mépriserait. Si j'osais la lui rendre, il la refuserait. Moi, mademoiselle, je suis fidèle et je comprends mes intérêts. Vive, vive ce qui m'arrive, ça vaut mieux avant qu'après. C'est vrai, c'est tout, c'est vrai, c'est tout, c'est vrai, c'est tout, c'est vrai, c'est tout, j'espère qu'elle fera comme sa mère. Attendons, nous verrons. On a défoncé les fétailles et de la danse on attend le signal. Ah bravo, que ce joyeux bal soit celui de nos fiançailles. Qui donc se marie aujourd'hui? Qui? De la mère en haut, c'est la fille, c'est la fille. Et la fille en haut, tiens de folie, tiens de folie. Car l'heure, si vous me soirez, c'est l'amour.